16 à. Si on allait au café? A. Si on partait en vacances? B. Si on se faisait un couscous ce soir? C. Ça te dirait d'aller au théâtre? D. Désolé, ce soir j'ai du travail. E. Non, c'est dommage, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. F. Impossible, je n'ai pas le temps. G. Je regrette, demain je ne suis pas libre.